ne m'as jamais dévoilé. Je pourrais peut-être enfin guérir de tout toi. Tu verras, tout s'arrangera. Je me sens si seul. tellement seul. Je suis arrivé, tout le monde boit. Je suis un peu gêné, je vais rentrer chez moi. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Je me sens mieux comme ça. Yeah. Oh, oh, oh. La lumière du soleil brille à travers ma fenêtre et recouvre mon visage. Mais la lune me réveille. Encore une journée sans voyage. Oh, oh, on the weather, on the en paix. Emporté par les cris des oiseaux noirs. Quoique. qui rue de Carrefour.